Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du féminin sacré, une voie d'autonomie spirituelle. Ce que l'on appelle le féminin sacré est un concept à la fois très moderne et très ancien, qui gagne en popularité depuis les années 70, particulièrement en Europe occidentale et en Amérique du Nord. La date n'est pas anodine. Cette période de l'histoire voit pour les femmes une quête de se reconnecter à leur souveraineté, aussi bien sociale que familiale, politique, sexuelle et tout simplement humaine. Qu'elle se complète par une reconnexion à une spiritualité plus féminine, c'est-à-dire tout simplement où la femme n'est plus considérée comme la source de tous les péchés, mais au contraire élevée au même titre que l'homme, à un statut sacré. Voilà qui paraît cohérent. Car le féminin sacré, comme son nom l'indique, ce n'est ni plus ni moins que la reconnaissance à la polarité féminine du monde, de sa dimension spirituelle et divine. En découle la reconnaissance de la dimension féminine du monde, de sa valeur intrinsèque, profonde, et avec elle, de tout ce qui est censé la caractériser. En découle également la réappropriation de tout ce qui a pu lui être confisqué. Ainsi, par exemple, reconnaîtra-t-on la valeur de la douceur, de l'intuition et de la réceptivité, polarisée de façon très binaire et incomplète vers le féminin dans nos contextes culturels. Et le féminin se réappropriera-t-il le dynamisme, la puissance d'action, la responsabilité et la stratégie plutôt polarisée vers le masculin en Occident judéo-chrétien. Là encore, de façon terriblement superficielle. Oui, le féminin sacré est dans le contexte des années 70 et des années qui ont suivi une histoire d'activisme et de revendication. Il s'agissait, et s'agit toujours trop souvent, de déconstruire la croyance qu'être une femme est une malédiction dont il faudrait en outre porter la culpabilité. Le mouvement a conduit vers une autorisation à être et à se revendiquer sacré en tant que femme, avec son corps de femme, et les implications physiologiques que cela induit, et les valeurs que l'on a choisi d'incarner. Il s'agissait aussi, et s'agit toujours, de déconstruire la croyance que certaines caractéristiques polarisées vers le féminin sont néfastes au bon fonctionnement social, et quand elles sont incarnées par des hommes, au bon fonctionnement identitaire. Non, l'intuition et la douceur ne font pas mal à la virilité, de la même manière qu'une femme n'est pas obligée d'être douce pour être féminine. Athéna, toute déesse de la stratégie guerrière soit-elle, n'en est pas moins une femme. Et pourtant, la religion antique grecque n'est pas réputée pour son féminisme forcené. Le féminin sacré, c'est donc en premier lieu s'autoriser à rayonner dans toute son identité. Ces quelques premières lignes démontrent en somme que la proposition des structures existantes manichéennes est fondamentalement insuffisante pour permettre à tous de s'épanouir pleinement. La question du genre et des valeurs associées ne peuvent se réduire à un système d'opposition simplifié à l'extrême. Le féminin sacré vient soulever, en apportant de nouvelles perspectives, des questions philosophiques fondamentales, auxquelles les structures existantes n'apportent plus seules de réponses satisfaisantes. En tout cas, dans notre siècle, où les thèmes du genre, du dictat, de l'apparence, du choix et non de la parentalité et de l'égalité des chances professionnelles, par exemple, font encore beaucoup couler d'encre. Pour autant, il serait erroné de croire que le féminin sacré est une nouveauté. La toute première entité vénérée, parce qu'elle était un grand mystère dispensateur de vie, c'est le corps de la femme. À sa suite, l'intégralité des systèmes spirituels sont porteurs de figures féminines très inspirantes, soit par leur vertu, soit au contraire par leur dimension effrayante et destructrice. On sait qu'un mouvement a toujours besoin de diaboliser le précédent pour pouvoir s'installer. Malheureusement, certains systèmes spirituels féminins ont beaucoup trop tendance à reproduire le schéma. Ces figures ont perduré dans le temps à travers les contes folkloriques et aujourd'hui la culture populaire de masse. De Baba Yaga à Vierge Marie à Wonder Woman en passant par la princesse Leia, passée au rang du symbole. Véritablement transfigurée avec la mort de Carrie Fisher, les archétypes du féminin ont toujours été vivaces et n'en finissent pas de l'être. Le féminin sacré moderne ne fait que reconnecter les êtres humains à ces archétypes jusque-là refoulés dans un inconscient collectif qui ne les a jamais oubliés. L'explosion des publications à ce sujet et la popularité grandissante des tentes rouges, bénédiction de l'utérus lancée par Miranda Gray, ouverte à toutes et à tous qui ne s'essoufflent pas avec les années, cahier d'exercice ou encore atelier de méditation thématique, le prouve chaque jour. c'est que tout le monde est concerné. Les femmes majoritairement, mais aussi tous les hommes, en quête d'une identité choisie, libérée de l'idéal de virilité forte, qui n'a jamais le droit de flancher. Tous ceux qui se cherchent et cherchent à se construire par eux-mêmes, en choisissant les schémas qui leur conviennent parmi ceux qui leur sont proposés. Autant dire que ça commence à faire quelques millions de personnes dans la seule francophonie. Pour autant, ça n'est jamais qu'un outil, puissant et d'une grande richesse, mais un simple outil néanmoins. Un des termes de l'alternative spirituelle auquel il est primordial que le plus grand nombre puisse avoir accès. Chacun doit pouvoir y puiser ce dont il a besoin, pour construire un système personnel et arriver à une véritable autonomie spirituelle. Voilà qui libérerait les dogmes et la peur du voisin, avec toutes les dérives que l'on connaît. Ceci constitue l'un des enjeux philosophiques fondamentaux de notre siècle. L'étude et l'expérimentation du féminin sacré peuvent y contribuer. C'était un texte de Camille Cérès autour du féminin sacré. J'espère que cela vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Gemozo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur mon site internet lessecretsdemathilde.com. Très belle journée.